Le respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté une sous-unité relevant de l'unité 1344 de l'Armée Populaire de Corée, en compagnie de Fang Byung-soo et de Park Jong-chun. Il a reçu le rapport sur le devoir de combat, les préparatifs de combat et les exercices de la sous-unité. Il s'est exprimé satisfait de la sous-unité qui étudie profondément les tactiques militaires originales de notre parti, les méthodes et les procédés de combat, et qui intensifie les exercices dans les contextes et les conditions aussi compliquées qu'un combat réel pour préparer les militaires à accomplir habilement tout devoir de combat difficile. Il a fait remarquer que les commandants et le personnel de l'état-major doivent posséder la capacité d'analyser et de juger vite la situation de combat et de créer un milieu de combat favorable et chercher tous les problèmes en suspens pour les préparatifs de combat pour prendre toutes les mesures requises. Il a souligné la nécessité de penser toujours seulement aux préparatifs de combat avec la haute vigilance et de livrer les exercices efficaces, d'améliorer sans cesse le contenu et la méthode des exercices conformément à la demande et au style de la guerre moderne et aux caractéristiques de l'accomplissement du devoir de combat de la sous-unité, et d'assurer comme il faut l'esprit du jutsu, l'utilité et le caractère scientifique au cours des exercices. Il a estimé très important le devoir de la sous-unité et invité à se faire l'exemple de toute l'armée au niveau des exercices de combat et de la formation politique, du commandement et de la gestion. Il a précisé des tâches de programme qui serviront de guide pour le perfectionnement des préparatifs de combat, surtout pour former tous les militaires en combattants capables de battre les ennemis 1 contre 100 à travers les exercices intensifs, fortifier et masquer bien les positions de combat. Le camarade Kim Jong-un a fait le tour du commandement de la sous-unité, des casernes, salles d'éducation, salles de bain, cantines et d'autres endroits de diverses compagnies nouvellement aménagées selon le plan de casernes standard ratifié par le parti et veillé affectueusement sur la vie des militaires. Dans un dortoir, il a examiné la qualité de la couverture de laine, demandé en détail la méthode de chauffage, et dans une salle de bain, il s'est informé de la qualité et de la quantité d'eau, et s'est exprimé bien content de toutes les conditions excellentes qui permettent aux militaires de mener une vie sans aucun inconvénient. Dans une salle d'éducation, il a apprécié le fait que les militaires lisent tous les jours le journal de l'armée populaire et écoutent la voix du parti grâce au système de l'envoi des dossiers par ordinateur établi par le parti et déclaré qu'aucune arme n'est plus puissante que la force politique et idéologique, qu'il faut faire valoir au maximum la force d'esprit des militaires pour gagner toutes les batailles, qu'il convient d'intensifier l'éducation politique et idéologique pour former les militaires en fort de l'idéologie et de la foi. Il a dit qu'il est nécessaire de donner lieu à la passion d'études, y compris la lecture, et généraliser les activités de cercle artistique de compagnie pour former les militaires en personnes qui ont de larges connaissances et une culture générale. Il a conseillé de bien assurer le chauffage d'hiver pour que les militaires prennent des repas chauds aux endroits bien chauffés, étant donné que la cantine de la sous-unité est bien aménagée sur le plan hygiénique et culturel, et en faisant le tour des entrepôts des aliments quotidiens et de ce genre, de la salle de transformation et d'autres endroits. Il a dit qu'on a bien fait la culture de soja, qu'il y a suffisamment d'aliments de base, de salaison et de poissons saumurés, et qu'on a bien installé les équipements de transformation. Il a affirmé que les commandants sont tenus de s'intéresser toujours profondément à donner beaucoup à manger avec l'esprit de service dévoué pour les militaires, et recommandé de concentrer des efforts à la culture de soja, à la culture en serre, à l'élevage et à d'autres pour rendre la sous-unité bien riche. En regardant les casernes ordonnées, il a apprécié les murs extérieurs bosselés des bâtiments, qu'il sera plus agréable de le voir couvert de lierre, et ordonné de planter beaucoup plus d'arbres pour transformer les casernes et les collines dans l'endroit de stationnement en bois, en jardin et en verger. Après avoir exprimé la certitude que les militaires de la sous-unité seront bien conscients de leur mission honorable devant le parti et la révolution, la patrie et le peuple, feront tous les préparatifs de combat régulièrement et défendront la patrie socialiste comme un rempart, Il a fait don des jumelles et d'un fusil automatique et s'est fait photographier en souvenir avec les militaires.